Donne une limite, là, puis je me repose, puis je refais. Puis c'est ça qui va arriver avec l'homme. C'est pour ça que j'ai toujours dit, les hommes conscients, un jour, en arriveront à être obligés de sélectionner leur entourage, d'être sélectifs dans la vie avec les êtres qu'ils vont rencontrer. Sinon, tu brûles la chandelle, tu sais. Mm-hmm. Puis ça, c'est inévitable, ça. Tu sais, tu deviens pas sélectif parce que tu veux être sélectif. Tu deviens sélectif parce qu'un jour, t'as plus de jus pour toujours relever le taux vibratoire des êtres autour de toi qui sont pas capables de prendre le poids de leur propre conscience, les formes, les égrégores de leur propre inconscience, puis les transmuter on the spot. Parce que si les hommes transmutaient leurs égrégores on the spot à cause de cette relation avec d'autres êtres autour d'eux qui sont conscients, ben à ce moment-là, le problème n'existera pas. Vous parlez de transmuter. Bon, il y a une phase de sevrage quand l'individu est obligé de quitter un groupe de gens qui, finalement, le captive trop dans son activité. Cette zone-là de fatigue-là, est-ce qu'il ne pourrait pas la gérer de façon à ce qu'il ne soit pas obligé de couper? Est-ce qu'il pourrait être permis à un individu conscient d'avoir comme le contrôle sur un certain temps, de gérer le rythme d'intrusion dans sa vie de ce que les êtres, en guillemets, inconscients vont chercher chez lui? Parce que la façon dont vous parlez, on dirait qu'un être qui est conscient se brûle toujours, il est toujours à fond de train, il est toujours, comme on dit, la pédale au fond, dans toutes ses relations, et à un moment donné, il se brûle. C'est parce que quand vous parlez d'être conscient, il y a des êtres conscients, puis il y a des êtres conscients. Ben, on va parler des êtres conscients. Des êtres conscients, tu peux pas être conscient, puis pas être traversé par cette énergie-là. Tu sais, ta parole est plus pareille, ta parole est en vibration. Que tu sois dans n'importe quel secteur de vie, c'est à vous, ta conscience qui passe à travers. Fait qu'à ce moment-là, tu peux pas disconnecter ta conscience du monde avec lequel tu travailles. Puis d'un autre côté, tu ne peux pas maintenir ta conscience en relation avec le monde dans lequel tu travailles, à moins que ces êtres-là soient capable à un certain moment d'enclencher un autre niveau. Ça, c'est un petit peu comme des jeux olympiques au niveau du relais. Mm-hmm. T'as un gars qui part. Un initié, c'est le premier gars qui part. Bon. Okay. Bon, ben, fait que là, l'initié court, puis après ça, il fait le tour de la piste, puis là, le gars, faut qu'il prenne le bâton. S'il prend pas le bâton, puis il l'échappe, puis ça roule à terre, puis ça, c'est... Faut qu'il pogne le crisse de bâton quand le gars arrive. Mm. Fait que là, il prend un break. Mm. Mais ce qui arrive dans la conscience, c'est que l'initié fait le tour de la piste, puis quand il arrive là, pour passer le bâton, là, il se demande si le gars va être capable de le prendre. Mm-hmm. Fait qu'en général, il s'arrange pour avoir le premier coureur qui est capable de le prendre. Fait que... L'autre truc, c'est ça. Dépendant de la grosseur du club. Okay. Dépendant de la grosseur du club. Fait que le gars qui le premier qui va prendre le bâton, mais c'est lui qui court le plus après. Ouais. Puis après ça, l'autre il va passer, puis c'est la même chose. Okay. C'est comme un club, la conscience comme un club. Mais si ton premier gars il est pas capable de prendre le bâton, tu peux rien faire. Fait que c'est pas l'initié va pas faire un autre tour de piste. Ouais. Il sort du stade, puis il s'en va dans le champ. OK. Une bonne image du bâton. Qu'est-ce qui détermine le deuxième? Ça dépend du rôle de l'initié, ça dépend de son plan de travail, ça dépend de son statut universel, ça dépend de l'ampleur de sa vision, ça dépend du plan évolutif de sa conscience sur la planète où il est, ça dépend ce qu'il a à faire, ça dépend ce qu'il veut faire. Ça dépend de l'avenir de l'humanité, ça dépend. C'est rien d'autre que ça, mais c'est définitivement pas l'effort. Non. Aucun rapport avec l'effort. Non, c'est pas une affaire de mérite. Non. Tu mérites pas ça. Non. Ça n'a rien à faire avec le mérite. Tu viens au monde avec ça. Bon, ça fait partie de ton évolution, ça fait partie de ta conscience, ça fait partie de la fusion. Quand on dit que ça fait partie de la fusion, est-ce que les gens sont désignés longtemps d'avance pour une fusion? Et je dirais par suite, comment ils peuvent reconnaître cette possibilité de fusion. Il ne faut pas s'occuper de ça, du mot fusion, parce que le mot fusion, c'est une forme. Ouais. Le terme fusion, c'est un terme qui s'applique à un événement cosmique présentement sur la Terre, qui fait en sorte que ce qu'on appelle les forces du mental et les forces de l'âme se soudent la fusion. Le temps que ça va prendre pour l'homme de fusionner, ça fait partie de l'évolution de l'humanité. Le concept de fusion est nécessaire, simplement comme référent universel de l'évolution de l'humanité. L'homme conscient demain, l'homme qui pénétrera dans l'évolution jupitérienne, l'homme qui pourra sortir de son corps matériel en conscience moronciel, ce sera un être fusionné. Mais l'être fusionné sera fusionné à différents niveaux. Fait que le terme fusion, il faut faire attention à ça parce que on va s'en servir comme symbole, on va s'en servir comme une attache psychologique, on va s'en servir comme une raison de courir. Mm-hmm. Puis ce que l'homme a besoin, c'est simplement d'être conscient. Puis dans de la conscience, il y a un certain degré de fusion. Plus la conscience est grande, plus la fusion accompagne cette conscience-là. Donc quand on parle de conscience, on parle de fusion. On parle de la connexion entre la source et l'homme, ainsi de suite. Mm-hmm. Fait que le terme fusion, faut le traiter avec délicatesse, simplement pour expliquer les paramètres fondamentaux de l'évolution future de l'humanité. Ce qu'on devrait parler, c'est de conscience, transmutation, intégration, surtout de l'énergie de la conscience. Puis avec ça, il y a des hommes sur la Terre aujourd'hui qui sont en train d'intégrer cette énergie-là, parce qu'ils ont transmuté des égrégores. Puis c'est tout ce que l'homme a besoin, parce qu'une fois que l'homme a atteint ces paliers-là, où il est capable de réellement connecter par vibration à la vibration d'hommes, peut-être moi par exemple, ou d'autres, qui sont dans des registres de vie mentale accentuée et accélérée, mais à ce moment-là, l'homme est bien parce que l'homme collectivement peut créer, l'homme peut établir sur la Terre une nouvelle fondation qui peut être cachée à la vue de l'humanité, mais réelle et fondamentale pour lui et l'humanité future en évolution. Donc, ce que l'homme a besoin, c'est d'être conscient. Puis la conscience, mais ça part de la capacité de l'homme de réellement pouvoir casser le pouvoir de ses égrégores sur son intelligence, sur sa conscience mentale. Ce que vous appelez, vous autres, des habitudes de pensée, des façons de penser. Parce que les hommes ont tous la lumière, les hommes sont tous connectés à une source. Fait que, pour donner là un principe réellement fondamental et simple concernant la conscience, si l'homme n'est pas capable de sentir dans sa vie qu'il est parfaitement bien dans sa peau, à ce moment-là, c'est parce qu'il n'a pas réussi à dominer ses égrégores. Vous dites qu'un égrégore, c'est lié à une façon de penser. Beaucoup de gens que je rencontre disent à un moment donné, c'est quoi la différence entre une entité et un égrégore? Si vous dites un égrégore, c'est une façon de penser. Une entité, ça se présente comme quoi? Une entité astrale, là. Ça se présente comme quoi dans le mental humain? Une entité astrale, c'est un égrégore pareil. Même une entité astrale, c'est un égrégore. C'est un égrégore vivant. C'est un égrégore qui a une mémoire. Tandis qu'un égrégore, ça peut être simplement le résultat de la composition extrêmement complexe de toutes sortes de perceptions au niveau du corps émotionnel. Un égrégore, ça peut être fait de tous les rebuts de l'âme. Un égrégore, ça peut être fait de toutes les... Tu sais, quand tu coupes du bois, là, il y a de la poussière à bois derrière, là. Oui. Bon, mais cette poussière à bois-là, là, cette chose-là avec laquelle tu peux rien faire, tu peux toujours faire un égrégore avec. L'âme, c'est la même chose. Il y a des vestiges de l'âme, il y a des parties de l'âme. Il y a des choses qui ne sont pas finies dans l'âme. Il y a des expériences dans l'âme qui ne sont pas finies. Il y a des expériences dans l'âme qui ont été vécues et qui ont encore des traces de break. Ça crée des égrégores. OK. Puis l'entité, c'est celui qui... L'entité, c'est des âmes en forme astrale qui sont ces autres plans, puis qui sont capables, à travers le mental humain, de créer de la discordance, de jouer avec la pensée, puis de manipuler l'âme. Qui mettent les briques pour les traces. Bernard, quand on cherche à comprendre, on est connecté à quoi? Un égrégore? Quand on cherche à comprendre, pas nécessairement. Quand on cherche à comprendre, ça fait partie de l'ouverture de notre esprit sur quelque chose qu'on essaie de voir. Chercher à comprendre, c'est comme ça, c'est ta maison, tu mets sur le balcon pour regarder les arbres, voir si t'as beau. OK, donc ça, c'est pas un problème, chercher à comprendre. Ça, tu ouvres ta porte, tu vas sur le balcon, tu regardes les arbres. Fait que tu cherches à comprendre. C'est-à-dire que tu essaies d'avoir effet de boule, les nuages, tu essaies d'avoir une mesure. On cherche à comprendre, c'est de mettre. Ça, c'est se mettre en vibration. OK. Chercher à comprendre, c'est pas. Chercher à comprendre pour l'homme inconscient, c'est réfléchir. Pour l'homme conscient, chercher à comprendre, c'est comme regarder, mais sans voir, rien que sentir par le mental. Des fois, ma femme, elle dit, qu'est-ce que tu penses là? Je dis, pense à rien. Elle dit, qu'est-ce que tu regardes? Je dis, je regarde quelque chose, mais je sais pas quoi. Donc, elle dit, tu regardes quelque chose, mais tu sais pas quoi? Ouais. Ça veut dire quoi, ça, je regarde quelque chose, c'est quoi? Ça veut dire que j'essaye de me laisser pénétrer par la vibration. J'essaie pas au niveau de mon ego de savoir qu'est-ce que c'est qui m'envoie. J'essaie de sentir par vibration qu'est-ce que c'est. Puis peut-être dans 5 minutes, ça va se développer, puis je vais le savoir. Ah, m'a dit, c'est ça que je regardais. Mm-hmm. Fait que pour moi, regarder, ça veut pas dire comprendre. Ça veut dire me mettre en position réceptive de recevoir encore de ce jus-là, là, de cette vibration-là, pour avoir tout à l'heure le portrait. Tandis que pour nous autres, comprendre, c'est analyser. Mm-hmm. Puis ça, c'est travailler avec des aspects inférieurs de notre conscience. Puis ça, on se fait toujours prendre, parce qu'il n'y a pas d'intelligence là-dedans. Il y a des référents psychologiques qui nous sécurisent. Donc, vous aussi, vous faites un travail, entre guillemets, de compréhension, de la façon dont vous le parlez. Je regarde. Mais vous, quand vous vivez ça, c'est attendre une vibration. Moi. Ça, je ne peux pas toujours vivre la communication, parce que c'est fatigant de vous parler avec eux autres. C'est comme parler avec le téléphone 24 heures par jour, tu devrais fermer la ligne de temps en temps. Fait qu'à ce moment-là, ben, au lieu de te parler tout le temps, mais de l'envoyer par vibration, une vibration, c'est très, très dense. Ils peuvent la source peut t'envoyer toute la solution à tout un problème complexe, rien que dans une vibration. Proup, ça passe, tu comprends. Proup. Mais si tu es habitué à rationaliser, ça passe pas, ça. OK. Fait que c'est un petit peu de même. C'est un petit peu. Je vais donner un exemple. Quand tu envoies un fax en Angleterre, tu écris toute une page, 10 pages, tu mets ça dans un fil, ça s'envoie là-bas, le gars le reçoit. Bon, c'est un petit peu de même. C'est la même chose. Fait que tu envoies bien l'information dans un fil. Fait que le gars qui est là-bas, le type qui est là-bas, bon, disons que l'initié qui est là-bas, ben, ce qu'il reçoit, c'est ce qui passe dans le fil, c'est la vibration. Tandis que le gars, l'homme inconscient qui rationalise, lui, il a besoin d'avoir le fax, de relire le fax, lui, mot pour mot, vous comprenez. C'est ça le différent. Donc, d'habitude, même. Bon, à ce moment-là, je veux savoir, là, dans le passage, dans le fil là, de la vibration, je veux savoir où est-ce que l'astral intervient. L'astral intervient quand l'ego, au niveau de sa pensée, veut contrôler cette vibration-là, la conditionner, la mettre à sa mesure. De passer par le jeu? L'amener à satisfaire le jeu. Satisfaire le jeu. L'homme a tendance à vouloir satisfaire le jeu alors que la conscience de l'homme satisfait son être intérieur mental. Parce que si tu fais ton jeu, si tu satisfais ton jeu tout le temps, tu vas utiliser des égrégores pour le satisfaire. Mm-hmm. Tandis que si ton jeu est satisfait, c'est-à-dire si ton jeu est amené par vibration à vivre dans de la paix. De la paix, c'est de l'équilibre psychique, mental, émotionnel, physique. La vibration amène toujours de la paix. La conscience amène toujours de la paix. Tandis que la réflexion amène toujours, pas de la guerre, mais un état de désarroi, un état de trouble, parce que ça fait partie de l'expérience de l'âme. Ça fait pas partie de la fusion de l'âme avec sa source. L'évolution du jeu qui est égoïque, là, à l'évolution du jeu d'un être conscient, est-ce que c'est difficile le passage à un jeu, à pouvoir s'exprimer dans le public? Vous le parlez en jeu à l'occasion, mais on sent en vous une transparence, comme vous dites. Bon, ben, passer d'un jeu réflectif à un jeu qui est transparent, là. Y a-t-il des étapes ou y a-t-il quelque chose qui change? Parce que ça peut être les mêmes, entre guillemets, désirs, vont avoir des intérêts pour des formes dans la société que les gens vont dire c'est astral, ça. C'est... Mais c'est l'état que vous le vivez qui fait la différence, qui n'est pas apparent, pour certains, en tout cas, qui n'est pas apparent au niveau du regard. Ça dépend de votre transparence. Bon, mais cette affaire-là, la transparence, là, qu'est-ce qui fait qu'un individu qui utilise un jeu puis qui. Il ne nous fait pas vivre un rapport de force, il ne nous fait pas vivre une sorte d'excès de magnétisme. Qu'est-ce qui fait que cet individu-là vit son jeu de tous les jours dans son quotidien et qui n'est pas menaçant pour son environnement? C'est quoi la composante de ça? C'est-tu son timbre de voix? Sa conscience. Sa conscience. Fait que c'est vraiment juste une vibration. Oui. C'est l'absence d'illusion dans sa conscience. L'absence de territorialité dans sa conscience. Tu sais, quand tu n'as plus de territoire dans ton mental, tu n'as plus rien. Mais c'est là que tu as tout. Mm-hmm. Par exemple, de cette affaire-là du territoire, ça veut dire que le jeu inconscient vit beaucoup, beaucoup de territoire, il se sent menacé dans son esprit. Oui, parce que l'homme a besoin de territoire pour assertir son identité. Tandis que l'homme conscient, il n'a pas besoin de territoire. Il assertit son identité en absence de territoire parce que c'est ça, son identité. L'identité de l'homme inconscient qui a besoin du territoire, ça fait partie de l'âme, ça fait partie de son évolution, ça fait partie de son expérience. Tandis que l'identité de l'homme conscient, c'est de ne pas avoir de territoire. De la transparence et de l'absence de territoire. Ben, quand tu n'as plus de territoire, tu n'as plus besoin de territoire, mais là, tu es réellement territorial. Mm-hmm. C'est là que tu as réellement beaucoup de territoire. Un homme qui dirait, moi je suis pas Canadien-Français, je suis pas Allemand, je suis pas Américain, puis qui voyagerait n'importe où dans le monde, la planète c'est son territoire. Mais s'il dit, moi je viens de Saint-Jovite, je suis Canadien-Français, vous allez pas me faire chier, je parle français, il vient de s'en limiter un territoire. Mm-hmm. Mais s'il apprend les langues, puis il part avec sa valise, puis qu'il se promène d'un pays à un autre, la Terre va être son territoire. Bon, mais c'est la même chose pour l'être conscient. L'être conscient n'a pas de territoire. Il devient même un territoire. Il est un territoire. Pourquoi? Parce que il n'a pas besoin de réfléchir de valeur pour pouvoir se donner un type psychologique, c'est-à-dire une identification dans le genre « je mm-hmm. ». C'est ça, le transparent. Puis un individu qui est transparent. Les orientaux puis les mystiques ont voulu nous donner un petit peu une perception de ça, mais ce qu'ils ont fait de nous autres, c'est qu'ils ont fait de nous autres des vrais légumes. T'sais, ils ont fait de nous autres des moineaux, ils ont fait de nous autres des gens assis en dessous d'un arbre, ils ont fait de nous autres du monde assis en position de lotus forever. T'sais. Ils ont fait de nous autres des gens, un petit moine, là, un petit maître, là, visité par toute une masse de monde là, qui nous amène des fleurs, qui nous nourrissent au griot. Tu ne peux pas construire des civilisations de même. J'ai plus de respect pour un Gandhi, qui amène les Indes à l'indépendance, puis qui se promène dans le monde avec son loincloth, puis qui va voir Churchill, qu'un moineau qui va s'asseoir en dessous d'un arbre, là, puis qui va l'éviter. Mm-hmm. Parce qu'il est en possession astrale dynamique avec des âmes spirituelles avec lesquelles il y a des liens occultes karmiques. Mm-hmm. Oui. Ouais, je comprends. L'homme est sur la Terre pour créer de la civilisation. C'est la fondation même de la prêtrise de l'intelligence, la civilisation. L'homme découvrira un jour qu'il y a des civilisations qui existent où les êtres qui sont à la tête de ces civilisations-là sont ce qu'on appelle nous autres les grands prêtres de science. On va revenir aux anciennes archives de l'Atlantide. Mais c'est des grands politiciens, c'est des grands régisseurs, c'est des grands visionnaires, tu sais. Fait que l'histoire d'aller, qu'on progresse, qu'on évolue, qu'on regarde plus loin que le matérialisme ou la philosophie cartésienne ou les idéologies spirituelles de l'évolution qui viennent de la judéo-chrétienté, ça c'est une chose. Mais qu'on critique nos ancêtres, autrement dit, qu'on critique les penseurs, les philosophes, les prêtres, les politiciens, les hommes qui ont réellement mis leur vie on the line dans le laboratoire expérientiel de la société, parce que nous autres, on a accès à des sciences ésotériques. Qu'on critique des gens comme Jean-Jacques Rousseau ou Voltaire ou même les révolutionnaires ou les Marx ou les Lénine qui ont fait des choses plus ou moins grandes pour l'humanité, les Césars. Parce que nous autres, on est dans les sciences ésotériques, on a réellement beaucoup d'orgueil spirituel, puis si on vient en contact avec cette énergie solaire-là, ça va nous fracturer, puis c'est ça qui va mettre l'homme en vibration. Parce que l'homme moderne, surtout, parce qu'aujourd'hui, les prisons sont ouvertes, le pouvoir spirituel puis temporel n'a plus de contrôle sur les connaissances de l'humanité, donc l'ésotérisme puis ces choses-là, qui ont été cachées à l'humanité pendant des siècles, commencent à être à la portée de la masse. Ça, c'est une chose. Mais de là, nous autres, là, ces gens-là qui appartiennent à cette sorte d'atmosphère-là, de lever notre nez sur les psychologues, les médecins, les ingénieurs, les scientifiques, les politiciens, les penseurs, on est réellement frelatés. Fait qu'on a, on a beaucoup de choses à apprendre au niveau de nous-mêmes. Mm-hmm. Quand on aura appris toutes ces choses-là au niveau de nous-mêmes, là, on sera capable de regarder Jean-Jacques Rousseau, puis on sera capable de regarder Ben Gurion, puis on sera capable de regarder Gandhi, puis faire des études ou des études comparatives, objectives, de ces hommes-là qui sont venus, de ces hommes-là qui se sont incarnés sur la Terre, pour le bien ou le mal de l'humanité, dépendant du karma de l'humanité, on sera capable de voir la fonction d'Hitler, on sera capable de voir la fonction de Chamberlain, on sera capable de voir la fonction de Churchill puis de Bush. On comprendra réellement la politique mondiale. On comprendra l'exercice expérientiel de l'âme à travers la formalité purement psychologique d'un moi incarcéré dans une vibration très dense qu'on appelle le corps matériel. Là, on aura de la, on pourra parler, on pourra écrire des livres sur l'évolution ou l'histoire de l'humanité pour réellement jeter de la lumière objective dans le monde. Fait qu'on pourra regarder le mouvement islamique dans le monde, le voir pourquoi le mouvement islamique est comme ça, on comprendra. On pourra comprendre, on comprendra la fonction du mouvement juif dans le monde, on comprendra. Et à ce moment-là, bon, on sera libre de la connaissance. Là, on aura le droit de parler en public. Mais d'ici à ce temps-là, on n'a pas le droit de parler en public parce qu'on est encore obligé de se prémunir contre les résonances astrales qui font partie de notre ego puis qui semblent donner à notre petit égo spirituel occultifié, une sorte de vanité précieuse qui est équivalent, qui compense l'orgueil intellectuel des penseurs d'antan. Fait que l'homme nouveau, il y a beaucoup de travail à faire dans son propre jardin avant de regarder puis de se projeter dans le monde puis de parler dans le monde puis de critiquer ses ancêtres. Ses ancêtres étant les membres de la race humaine qui font partie de la 4e, 5e sous-race, dont les Indiens puis les sous-races indo-européennes jusqu'à aujourd'hui. Fait qu'on a beaucoup de transparence à développer. Puis si on est entre nous autres, on a encore beaucoup de transparence à émettre parce que même entre nous autres, il y a des gens qu'on connaît pas souvent ou qui sont silencieux puis qui ont beaucoup de choses à dire puis qui n'y disent pas parce qu'ils veulent pas trop se manifester encore, sont pas à l'aise encore avec la vibration. Fait que l'homme doit abattre complètement la régularité interventionniste de son orgueil mental, spirituel, ésotérique. Puis pour moi, les gens les plus orgueilleux dans le monde, ce sont les ésotéristes, les hermétistes, les mystiques, les gens spirituels, les gens qui traitent avec des choses qui appartiennent aux initiés, entre parenthèses. Maintenant, vous percevez cet orgueil-là, vous. Mais les gens, habituellement, quand on côtoie des gens spirituels, on voit c'est la simplicité, l'humilité, une douceur, des odeurs de rose. Et puis, ils ont des communications avec les plans. Ils enseignent même, des fois, avec ces communications-là, avec les plans. Pour le commun des mortels là, qui vit sa job avec la boîte à lunch, là. Ouais. Comment ils peuvent faire ça? Ils vont vous enseigner à vous autres, mais pas à moi. Mais qu'est-ce qui fait qu'un être conscient est capable de voir à travers ces trappes-là? Une vibration. C'est la vibration. C'est vibratoire. Fait qu'on vient toujours au phénomène. Tu sais, quand tu regardes à travers une vitre, tu es capable de voir à travers une vitre. Si une petite poussière, tu avoues. Quand tu es pas capable de voir à travers une vitre, tu avoues pas poussière. Puis l'homme va voir. Quand on dit on ne pourra plus mentir à l'homme. Tu sais, quand les initiés disent, on ne pourra plus mentir à l'âme. On ne pourra plus mentir à l'âme. Parce que. Ça veut dire que l'homme ne pourra plus se faire mentir par quoi que ce soit, par les plans. Pour vous donner un exemple du caractère opaque de l'orgueil spirituel, l'orgueil spirituel fait partie des conventions astrales. Autrement dit, dans le monde astral, quand vous allez dans le monde astral, puis que vous rencontrez des entités dans l'astral qui s'occupent des religions, qui s'occupent de tout ce qui est spirituel, de tout ce qui est non matériel, ces êtres-là sont tous transpercés par un orgueil fondamental. Puis leur orgueil fondamental, c'est-tu qu'est-ce que c'est? C'est leur espoir d'un jour, en forme astrale, pouvoir connecter avec la lumière. Puis là, ils commencent à le savoir, là. Que ça se fera pas. Ils commencent à savoir que la lumière que tu vois dans le plan astral ne vient pas des architectures du mental. Ils commencent, puis c'est pour ça que dans le monde astral aujourd'hui, quand vous y allez, vous vous apercevez qu'il y a beaucoup de tremblements, il y a beaucoup de révolutions, il y a beaucoup d'amertume. Pourquoi? Parce que les âmes s'aperçoivent que, effectivement, c'est dans la matière que le soleil jupitérien ou le soleil de l'évolution va connecter avec elle. C'est pas dans l'astral. Fait que l'enfer ou le bas astral ou le ciel ou le haut astral, ce sont simplement des périodes, ce sont simplement des espaces psychiques temporaires pour les âmes. Puis un jour, les âmes, qu'ils veulent ou qu'ils veulent pas, ils vont être obligés de se réincarner dans le matériel sur notre planète ou sur d'autres planètes. Ça, il n'y a rien à faire, parce que ça fait partie des lois cosmiques. Puis maintenant que l'homme sait ça, que l'homme est capable de parler ça, mais automatiquement, il met en vibration ces mondes-là. C'est pour ça que dans les années qui viennent, le monde astral, le monde, les entités en forme astrale vont tout faire pour empêcher, surtout dans certaines régions de l'astral, vont tout faire pour empêcher que l'homme voit clair. C'est ce qu'ils vont utiliser, la croyance au bout. Des voyants, des channeling, des entités qui vont venir à travers l'homme, qui vont parler à travers l'homme, qui vont parler des langues à travers l'homme. Tu vas reconnaître le médecin à travers l'entité, tu vas reconnaître la fonction sociale de cet homme-là avant, tu vas reconnaître l'expertise, tu vas reconnaître la voyance, puis les gens vont se faire prendre. Pourquoi? Parce qu'ils réfléchissent? Non, parce que l'homme croit. Mais la croyance? L'homme. C'est basé sur la connaissance? La croyance est basée sur le besoin d'accéder à une vérité. Puis le plus grand danger de l'homme, puis ça fait partie des lois du mensonge cosmique, le plus grand danger de l'homme en tant qu'être en voie d'évolution vers l'intégration de son énergie, c'est-à-dire vers l'individualisation totale de son être, vers la conscience morontielle, c'est l'abolition totale de ce principe-là, qui fut nécessaire pendant l'évolution, mais qui sera éliminé sur une base individuelle dans l'évolution, mais qui sera retenu sur une base collective pour l'évolution continue des nations puis des peuples. La croyance, Bernard, je peux pas comprendre que du monde intelligent soit pas capable de comprendre les dangers occultes de la croyance quand on regarde ce qui se passe dans le monde aujourd'hui au niveau politique, religieux, qu'on regarde les conflits mondiaux à tous les niveaux, puis qu'on réalise que à la base de la souffrance de l'humanité est la croyance. Que ce soit la croyance dans une idéologie marxiste, léniniste, fasciste, ou purement spirituelle, religieuse, les problèmes de l'humanité sont le résultat de la sommation de ces croyances-là, puis on n'est pas capable de réaliser puis de comprendre que la croyance, c'est la vertu des êtres qui n'ont aucune place à aller dans leur conscience, mais qui vont dans les places de tout le monde. Des êtres qui n'ont pas de château, mais qui vont dans les couloirs des autres. Des êtres qui n'ont pas de territoire, mais qui vont dans le territoire des autres. Des êtres qui n'ont pas d'identité, mais qui, pour des raisons de convenance, pour des raisons de stratégie, pour des raisons de crainte, pour des raisons d'alliance légitime, pour des raisons de continuité d'une conscience collective, appauvrissent leur esprit, perdent leur identité et automatiquement s'empêchent de savoir, s'empêchent d'être. Puis ils reviennent toujours avec la grande question shakespearienne, to be or not to be. Tu sais, to be or not to be. Ou le niaiseux aux Indes qui dit, is it clear? Tu me vois-tu un hindou assis à un ashram me dire, is it clear? J'y crisserai un hostie de choc pour qu'il comprenne qu'il n'y a rien de clear quand il reçoit une plaque sur la gueule. Merci beaucoup, Bernard de Montréal.